Chapitre 12 Le testament d'Angoulafre. Angoulafre était étendu sur le sol, entouré de ses compagnons d'armes. Quand les médecins vinrent pour panser ses blessures, il les repoussa. « Allez au diable, distributeur de drogue ! Mon âme ne fera pas la folie de demeurer dans une habitation aussi délabrée que celle que je puis lui offrir maintenant. » Tous vos remèdes ne feraient que la chasser plus vite. Approche, Alcaïde de Valence. Corsablix, Margaris, entourez-moi tous, que je meure en regardant vos visages amis. Racontez au roi Marsille comment est mort Mourad, comment je suis mort. Dites-lui bien que mon dernier souffle m'a servi à demander vengeance de ce Roland. Je vous lègue à tous une haine trop vivace, trop forte, pour qu'elle ne me survive pas. Je destine mes biens, sans exception, à l'accomplissement de cette œuvre. Si la corruption doit vous venir en aide, n'épargnez rien. Il n'y a pas de conscience humaine qui ne croule à la vue des richesses dont vous allez disposer. Jurez-moi de ne rien négliger pour hâter la chute de ce maudit, et je mourrai plus tranquille. Compte sur nous, dit Priamus. Nous héritons de ta haine, et fût-ce dans 10 ans, fût-ce dans 20 ans, ce Roland périra de notre main. Nous le partagerons en autant de morceaux qu'il t'a fait de blessures, dit Garlan le barbu. Sa mort sera matière à légende, ajouta Abysme, le favori de Marsille. Je te jure qu'il en sera parlé encore, alors que le souvenir de ce charlot sera éteint. Priez Mahomet qu'il vous protège, car celui qui m'a vaincu n'est pas facile à vaincre, dit Angoulafre. Fallut-il dépeupler la Nubie, la Perse, l'Égypte, l'Atlas, le Caucase, la Scythie et l'Espagne pour former nos bataillons, reprit Écremis de Vauterne. Aussi vrai que Mahomet est plus fort que Saint-Pierre, Roland, Charles et ses pères mourront avant peu. Avant un an, nous coucherons à Cologne, dit un autre. Assez, bavards et fanfarons, reprit Angoulafre qui sentait le froid l'envahir. Tâchez de rapporter vos os en Espagne. Et si Mahomet vous en fait la grâce, renouvelez-y ses promesses. En attendant, veillez sur votre peau au tournoi de demain. La mort me tient à la gorge. Adieu. Ah, chien de Roland. Ce fut le dernier mot du préfet de Jérusalem. 60 sarrasins prirent 30 lances, qu'ils tinrent chacun par un bout. Et marchant sur 2 rangs, les uns derrière les autres, ils improvisèrent une civière sur laquelle on étendit le corps du géant. 2 heures auparavant, il entrait à cheval, suivi d'un brillant cortège de rois, d'émirs et d'alcaïdes, précédé d'une musique sauvage, fier de sa force, sûr de son courage, railleur et menaçant. Mais quand Dieu ne prend pas fait et cause pour le lion, le moucheron en vient facilement à bout.